Flow Loco, Shaq, El Colombiano, DJ Crown, Braille. We got like a whole squadron, you know, coming through on a joint, the Dirty Gloves. I'm getting my money, but I do it the legal route, without risking my freedom, or ratting my people out. My gloves are dirty from hard work and grinding, but my hands are clean, cause I don't let the struggle stop me from shining. So all the blind men, take off your shackles. I'm connected with Shaq, the pace of the rap might baffle ya, taking it back to the nasty, raw, lyrical sharpness. Spit a rhyme that might help you find light in the darkness. It's a battle to survive, 9 to 5 hustling for the finer things in life, but it's hard to earn time. We burn minutes down to ashes, travel to Atlas, society is broken, living low cause the cash is. I'd rather invest my life into my passion for a permanent thing. These words are everlasting and last when the rest blow away with the wind. I don't live for my work, I work so I can live. Le thème c'est les gants sales, mais plutôt les écorces sages. Et tous les grands le savent, quand on tape c'est qu'on sage. On parle pas d'argent sale, blanchiment d'argent, mais non. On parle d'authenticité, faire preuve d'utilité. Rap, rap pour les vrais, pour les rois et pour les reines. Et si le bus déraille, c'est que la thune a pris les rênes. Ce qui paye, c'est le taf, monter, faire ses classes. Et honorablement, de l'argent, noblement. Dans un bus d'aveuglement, pour les filles en avenant. Stop, stop, what's up, do you crap, man? C'est l'éclatement, la famille a éclaté. Prends-moi ces 4 mondes, ou plus haut que tout. La corde de cou, c'est pas le style du crew. Les gants sales, mais les mains propres. Car le rap est bien ma drogue. On le sait sans plusieurs drops, drop, drop. Votre coffre c'est moi non, dans mon taf c'est j'innove. Les gants sales mais le marine, car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. Travel to Atlas. Dirt, dirt, dirt, check love. Votre coffre c'est moi non, dans mon taf c'est j'innove. Les gants sales mais le marine, car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. Travel to Atlas. Parler ta mascotte, moi je sais pas où tu l'as dégoté. Ma peur il paraît que t'as la cote, bah tu vas décoter. Je grave rue, mais sauter à l'Argus. J'ai moins respect tes barbus, on encule les lardus. Les frérots sont insortables, t'es la chiche dans la chicha. Recherche des numéros de portable, protège le cul de ta sista. On vient pas de milieu aisé. Non, j'traîne qu'avec des DZ, on est pas là pour wesh, mais juste pour baiser. Des durs à cuire, un manteau de cuir. Yeah. T'as un brolique dans le cockpit, vise tant mieux. Et certes, range-le. D'abord, pourquoi tu te la pètes? Si à la base t'es tapette, tu parles dangereux. Dans le rap français, faut pas croire que les gens qui écro, ils ont des grosses caisses dans les clips. Mais rentrez en métro, moi. Je reste espoir qu'il y a les couilles de Saddam. Mais 10 euros dans le réservoir, car je fais le tour de Panama et je roule ghetto. Rien à foutre, rien à foutre. Du ghetto et la street, moi. Toujours le même, je nie le gâteau ni la cerise, non. Je reste simple et aveugle comme la justice, tu sais. Je reste humble, j'ai pas la gueule de Justin. Eh ouais, j'ai la voix claire. C'est sûr, élégant sale. La vie est dure, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça. Tu sais, je me fous de qui, de qui fait quoi. Car la vie est moche, ouais, un peu comme l'accent québécois. La chute est dure, ouais, mais j'ai pas l'air d'un fou. Mais rien à foutre de vos salaires, moi qui rêvais de carrière de foot. Une fois à Jean, on parle de la fête de la veille. Regarde, ces chums les jeunes sont tous fashion de la veine. Tu sais, j'attends un signe de main ou un appel du pied. Et si j'arrive demain, le rap m'aura à peine dupé. Je me dis que je suis un roi sans règne et sans règne. Et je me leverai seulement une fois que je serai, que j'ai ce rêve. Dirt, dirt, dirt, check love. Votre coffre c'est moi, non. Dans mon taf c'est j'innove. Take it back. Les gants sales, mais le marine. Car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. Travel to Atlas. Dirt, dirt, dirt, check love. Votre coffre c'est moi, non. Dans mon taf c'est j'innove. Take it back. Les gants sales, mais le marine. Car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. J'ai dit au revoir à la lune, je donne du boulot à ma plume. Qu'on fasse pleuvoir de la thune, car vermite à la une. Fidèle à la page, et ça, ça fait des piges. Loin d'être sage, ramène JB qu'on le liquide. J'ai niqué beaucoup d'MC, pour le mois j'ai fait mon quota. Je ris pas sur les photos, il me faudrait l'aide de Coria. Mes frères, Prozo, Tchekia, ou bien à Fleury. Et ma mère pour tes galères, sans ma vie, I'm sorry. Sa mère, je vais au bon cher, je finirai jamais au beaux-arts. Dans l'équipe que des voyous, mais dans le fond que des bons gars. Grand souillé et argent sage, je fais du rap, mes parents le savent. Force n'est plus avec moi, car j'ai paumé mon sabre. Entre le marteau et l'enclume, entre le taf et la rue. Mais à la longue, sérieux, je m'enrue. Souvent froid mais toujours poli, mon cœur un vrai poli. Mon frère, je te l'avoue, j'ai du mal à rester solide. Ma haine a de l'avance, à croire que j'ai pas de chance. Car les soucis et mon avenir font ta pas de danse. Fin sur moi pour toutes mes épreuves et pour tous mes rêves. Toute manière, on apprend seulement dans l'erreur. J'ai plus le temps, j'arrive au stud à 13h, je repars à 13h13. Autant de flow qu'il n'y a de coke dans le zen à Flavor Flav. Chez nous c'est le désordre frère. Les vrais sont SDF, les autres habitent Prentice qui est des orfèvres. On m'a dit que ça paierait app, donc allez-y, Jacques Téléman. Faites les beaux à chat, les léales. Y'a quoi, Nac, il est à l'ami. Malgré les aléas de la vie, mes soucis sont mariés à la cheese. Des modèles, j'ai nous très vieux, j'en ai très peu. C'est que j'ai les traits de mon époque. Sur 3 millions en 2-2, j'en ai créé 2. J'ajouterai que les traits de ceux mariés à mes potes. Putain de merde, motherfuck. Dans les rues du rap français, je trouve que ça manque de motocrottes. On m'a dit tu veux survivre, moi j'ai dit ouais. Avec les couilles grosses comme les goûts de Kanye West. Votre cop c'est moi nord, dans mon taf c'est Chinoise. Les gants salmés le matin, car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. Travel to Atlas. Votre cop c'est moi nord, dans mon taf c'est Chinoise. Les gants salmés le matin, car mon taf est à l'écart et les empreintes sont invisibles. Travel to Atlas. Someone.